بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتغسل الوجه الله سبحانه وتعالى du fait notamment qu'il nous permette de nous réunir à nouveau afin d'entamer l'étude d'un sujet très important, celui de la vie, de la biographie de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Vous avez certainement remarqué que on a changé d'horaire aujourd'hui, que d'habitude le cours il a lieu après la prière del Maghreb, et qu'aujourd'hui donc il a lieu après la prière del Isha. Et la raison de cela, c'est qu'il y a notre frère Hassan Abu Asma qui est arrivé en France et qui a donc entamé les cours qu'il dispense. Et que ces cours-là, donc, ils ont lieu en tout cas aujourd'hui, après la prière de l'Asr et après la prière de l'Maghreb. Et je considère qu'il fait partie des principes que nous devons avoir, le fait de faire passer ceux qui nous ont devancés dans l'âge et le mérite devant nous. Et j'aurais pu garder cette raison pour moi, mais je voulais vous la faire partager. Peut-être que c'est un moyen, justement, d'insister sur ce point-là. Le fait de faire passer avant nous ceux qui nous ont devancés en âge et en mérite. Et le frère Hassan fait partie de ces gens-là, qu'Allah le préserve, qu'il le récompense pour ses nombreux efforts. Le sujet donc que nous allons entamer aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Il faut savoir qu'avant l'avènement de sa prophétie, avant son arrivée, les gens étaient dans l'ignorance et le polythéisme, tandis que l'injustice et l'égarement les aveuglaient. Allah, il a donc envoyé le maître des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une période dépourvue de messagers, afin qu'il redresse la communauté déviante. La communauté déviante, c'est-à-dire celle des Arabes. Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué dans son livre Fath al-Bari que cette expression-là est due au fait que l'adoration des idoles était venue s'ajouter à la voix des Arabes. Et c'est pour cela qu'ils ont été considérés comme étant la communauté déviante du fait de l'adoration des idoles qui s'étaient installées dans leur rang et qui avaient ainsi dénaturé leur religion qui était basée sur celle d'Ibrahim alayhi salam. Donc durant une période dépourvue de messagers, Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé le maître des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il redresse la communauté déviante et qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils atteignent ainsi la réussite. Il est donc venu avec la vérité et l'annihilation du faux. Il est venu avec la guidée, la pudeur et la justice. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti le polythéisme. Il l'envoya par miséricorde pour l'univers. Il l'envoya en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur pour celui qui croira en lui et avertisseur envers quiconque lui désobéirait

dans son recueil authentique d'après Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se tenir le vendredi auprès d'un arbre ou d'un palmier. Une femme ou un homme parmi les auxiliaires ce sont les ansar, ceux qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui avaient émigré de la Mecque à Médine. Pour cela donc on parle des émigrés, al-muhajirun, et des auxiliaires, al-ansar. Donc un homme ou une femme, donc l'hésitation elle vient du rapporteur, parmi les auxiliaires lui dit un jour, c'est-à-dire il s'est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne te confectionnerions-nous pas une chaire? Une chaire, c'est-à-dire un mimbar. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous le souhaitez. Puis, le vendredi suivant, il fut orienté vers elle. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est présenté pour dispenser son sermon, il a été orienté vers cette chaire, étant donné que ses compagnons s'étaient exécutés et qu'ils avaient donc confectionné cette chaire-là. Et lorsque vint le jour du vendredi, il fut orienté vers elle. C'est alors que le palmier poussa le cri d'un nouveau-né. C'est-à-dire le palmier auprès duquel il avait pour habitude de dispenser son sermon. Il descendit donc et le serra contre lui. Le palmier poussa alors le gémissement d'un enfant que l'on est en train de bercer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors, il pleurait à cause du rappel qu'il entendait auprès de lui. C'est pour cela que comme on peut le trouver dans le livre Siyar A'lam Nubala de l'imam al-Dhahabi, l'imam al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde de pleurer lorsqu'il rapportait ce hadith, c'est-à-dire le hadith de Jabir, concernant l'histoire de ce palmier. Et donc al-Hassan, il pleurait lorsqu'il rapportait ce hadith et il disait, ô musulmans, un morceau de bois soupire par désir de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. C'est ici donc, en guise d'introduction, une lecture de l'introduction du livret intitulé « Qu'est-ce que la salafia ?» du Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari. Cette introduction qui nous mène justement au sujet annoncé. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupe un tel rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il nous est religieusement demandé de lui reconnaître ce rang, alors il n'y a pas de doute que l'étude de sa vie, l'étude de sa biographie revêt une importance capitale. Et si l'on veut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons passer par une science qui est connue sous le nom de la science de la sira. Al-sira al-nabawiyya. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une science à part entière. Et afin d'avoir un aperçu sur cette science-là, on va aborder les 10 notions rudimentaires à connaître concernant la science de manière générale. Ces notions rudimentaires que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder dans d'autres contextes, nous les avions abordées en partie lorsque nous avions lu le commentaire du premier hadith ajouté par Ibn Rajab aux 42 hadiths sélectionnés par An-Nawawi concernant le sujet de l'héritage. Et nous les avions vus de manière plus exhaustive lors du premier cours que nous avons fait concernant le livre Al-Muqaddima Al-Ajrumiyya dans la grammaire arabe. Et nous avions eu l'occasion de citer ces quelques vers qui ont été composés par un savant qui réunissent de manière résumée les 10 notions rudimentaires à connaître concernant n'importe quelle science que nous voulons étudier. Ce savant-là a donc dit « Inna mabadi kulli fanin ashara al-hadd wal-mawdu'u thumma thamara » وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. Dans ces trois vers, le savant qui les a composés a donc fait mention des 10 notions rudimentaires à connaître concernant la science que nous voulons étudier. Et il a cité donc en premier al-hadd, c'est-à-dire la définition. Et en secondement, il a abordé, donc il a cité al-mawdu', c'est-à-dire le sujet. Troisièmement, al-thamara, les bénéfices à tirer de l'apprentissage de la science en question. Quatrièmement, fadluhu, c'est-à-dire ses mérites. Cinquièmement, nisba, c'est-à-dire son lien, le lien qu'entretient cette science avec les autres sciences. Sixièmement, al-wadi', c'est-à-dire l'instigateur, celui qui a initié cette science-là. Septièmement, al-ism, c'est-à-dire le nom de la science en question. Huitièmement, al-istimdad, c'est-à-dire les sources, les références de la science en question. Neuvièmement, hukm al-shari', c'est-à-dire la valeur religieuse de l'apprentissage de la science en question, et dixièmement, al-masa'il, c'est-à-dire les différents sujets traités par cette science. Et il avait conclu en disant, certains savants se sont contentés de certaines de ces notions rudimentaires-là, et celui qui les aura toutes réunies aura certes atteint la sagesse. Voulant dire par là que parfois, certains savants, parmi ceux qui citent en guise d'introduction dans leur livre les notions rudimentaires en question, eh bien certains ils vont en mentionner un certain nombre et d'autres ils vont toutes les citer. Et on peut trouver parfois que d'autres ne les citent pas du tout. Et il disait, celui qui les aura toutes citées et qui les connaîtra toutes aura certes atteint la noblesse. C'est ainsi une manière d'inciter l'apprenti, l'étudiant à connaître ces 10 notions rudimentaires avant de se lancer dans l'apprentissage d'une science afin de bien pouvoir la cerner et d'en avoir un aperçu, ce qui va faciliter par la suite l'apprentissage. Concernant donc la science de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il faut savoir qu'on appelle cela sira, comme nous l'avons vu. C'est donc ici une réponse na'am à la question qui pourrait être posée lorsque nous abordons la septième notion rudimentaire et que nous disons quel est le nom de cette science-là. La réponse, c'est que cette science-là, en arabe, elle s'appelle As-Sira ou As-Sira al-Nabawiyya. Dans la langue arabe, As-Sira, c'est la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est donc en quelque sorte un synonyme de sunnah, étant donné que le terme sunnah dans la langue arabe, ça a pour sens la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il a d'ailleurs été dit dans ce sens-là, « La tajza'anna min sunnatin anta sirtaha, inna awwala radin sunnatan man yasiruha. » Ne sois pas outré à cause d'une voie que tu as toi-même instauré, car le premier a agréé une voie est certes celui qui y a cheminé. En bref, le terme sira dans la langue arabe, il signifie la voie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Dans la terminologie religieuse, le terme sira, il vise la connaissance des différents événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ainsi que la connaissance de ce qui est lié à cela. La connaissance des différents événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ainsi que la connaissance de ce qui est lié à cela. Deuxième point, deuxième notion rudimentaire à connaître, le sujet traité. Et cela apparaît en réalité à travers la définition que nous venons de donner. Le sujet traité par la science de la sira, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à sa mort, de même que cela traite de certains points liés à cela. Troisièmement, quels sont les bénéfices à tirer de l'apprentissage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il faut savoir que les bénéfices à en tirer, ils sont très nombreux. Parmi les plus importants de ces bénéfices à tirer, il y a le fait que cela va nous pousser à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tu connaîtras le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ton amour pour lui grandira. Également parmi les bénéfices à tirer de l'apprentissage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que cela nous pousse à le suivre et à le prendre comme modèle et comme exemple. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre, il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère Allah et le jour dernier et évoque Allah abondamment. Parmi les bénéfices à tirer également de l'apprentissage de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de prendre connaissance de certaines règles religieuses que nous pouvons retrouver au fil des événements qui ont jonché la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Également parmi ces bénéfices-là, de nombreuses leçons et de nombreuses morales et sagesses à tirer de la noble vie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Parmi les bénéfices en tirés également, et c'est le cinquième que je vous mentionne, il y a le fait de prendre connaissance de certains signes de la prophétie. Sachant que cela compte parmi les sciences contenues dans la science de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixième bénéfice, le fait de prendre connaissance de certains secrets et sagesses résidant dans la législation des différents actes cultuels ou relationnels instaurés par l'islam. Et septièmement, le fait de trouver dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam un certain réconfort et un certain soutien, notamment lors des épreuves qui peuvent nous toucher, que ce soit des épreuves qui touchent le musulman dans sa personne ou qui touchent la communauté musulmane dans son ensemble. Tu trouves dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam du réconfort et du soutien, étant donné que tu te rends compte que le prophète alayhi salatu wassalam fut également éprouvés, de même que ses compagnons, qu'Allah les agrée. Et nous disons même qu'ils ont été encore plus éprouvés que nous. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, ceux qui sont le plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, et ainsi de suite. Quatrième notion rudimentaire, à connaître les mérites de cette science-là. Il faut savoir que les mérites d'une science, ils dépendent des mérites résidents dans ce qu'elle se propose d'étudier. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, la science liée à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-tawhid, est la plus noble des sciences. Notamment, ce qui est lié à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et attributs. Quant à la science de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, elle est liée à la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sceau des prophètes, les mérites de cette science-là sont donc établis et apparaissent clairement pour toute personne douée de raison. Cinquièmement, le lien qu'entretient cette science-là avec les autres sciences. Eh bien, il faut savoir que cette science, la science de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une science parmi les sciences islamiques. Sixièmement, quel est l'instigateur de cette science-là? Il faut savoir que les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, attachaient beaucoup d'importance à la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment ses compagnons. Et parmi eux, il en était qui accordait plus d'importance que d'autres à cela. C'était le cas notamment d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Mais si on doit parler d'instigateur, dans le sens de d'auteur, c'est-à-dire la première personne qui est écrite dans ce sujet-là, il faut savoir que c'est Aban, l'esclave affranchi de Uthman. Qui, à son époque, sachant qu'il est mort au début du second siècle de l'Égypte, durant les premières années du second siècle de l'Égypte, donc à son époque, il avait écrit uniquement quelques feuillets. Et le premier qui ait réellement écrit un livre dans ce sujet-là, c'est Muhammad ibn Ishaq, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est mort en 150 de l'Égypte. Et ce livre qu'il a écrit, nous allons y revenir un peu plus tard, il s'intitule Al-Mubtada wal-Mab'ath fil-Maghazi. Et il a été rendu célèbre sous le titre de As-Sira al-Nabawiyya par Ibn Hisham du fait qu'il l'ait résumé. Ibn Hisham, il a résumé le livre d'Ibn Ishaq. Il faut savoir que le livre d'Ibn Ishaq, il a été perdu et il n'en reste qu'une infime partie. Et il a été préservé grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, par le biais de l'œuvre d'Ibn Hisham, qui a résumé le livre d'Ibn Ishaq. Et il en a donc supprimé certaines choses et il en a rajouté d'autres. Et c'est le livre d'Ibn Hisham qui a donc rendu célèbre l'œuvre d'Ibn Ishaq. Et comme je vous l'ai dit, donc on va revenir à cela un peu plus loin, Inch'Allah. Septièmement, donc le nom de cette science-là, c'est As-Sira. Qui était appelé jadis Al-Maghazi, ou As-Siyar, ou Al-Maghazi. Huitième notion rudimentaire à connaître, les sources, les références de cette science-là. Il faut savoir que les références de cette science-là, c'est le Coran, premièrement. Deuxièmement, les livres de la Sunna. Que ce soit les recueils authentiques de Bukhari ou de Muslim, ou ceux d'Ibn Khuzaïma et d'Ibn Hibban, ou que ce soit les recueils généraux, tels que celui de Abu Isa al-Tirmidhi, ou que ce soit les Sunan de Abu Daoud, ou de Nasa'i, ou encore d'Ibn Majah, ou également les livres al-Masanid, notamment celui de l'imam Ahmed, ou les livres connus sous le nom d'Al-Muwatta, notamment celui de l'imam Malik, rahimahullah. Tous ces livres-là sont des références en matière de biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les références, il y a les livres dédiés à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces livres-là, ils sont appelés Ash-Shama'il. Et le plus célèbre de ces livres, c'est le livre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya de son auteur, l'imam Abu Isa al-Tirmidhi, rahimahullah. Ce livre qui a été par la suite résumé par l'imam du hadith de notre époque, le Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah, qui l'a résumé et qui en a supprimé les hadiths qu'il a jugés faibles. Excusez-moi. Il l'a plutôt résumé et il en a supprimé les chaînes de transmission, sans pour autant enlever tout ce qu'il considérait faible. Mais par contre, il a apposé certaines annotations afin d'exposer le degré d'authenticité des différents hadiths et récits contenus dans son résumé. Également parmi les livres de référence, il y a les livres qui sont dédiés aux signes de la prophétie. Et ces livres-là, ils sont appelés Ad-Dala'il, notamment celui de Abu Nu'aym et celui d'Al-Bayhaqi. Et il y a donc également les livres qui ont été dédiés aux batailles et aux différents récits. Et comme je vous l'ai dit, le premier de ces livres-là en tant que livre, c'est celui de Muhammad ibn Ishaq. Et afin de bien saisir et cerner plutôt l'importance de son œuvre, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit précédemment, à l'époque des compagnons Ibn Abbas et Ibn Omar, qu'Allah les agrée, étaient entre autres connus pour l'importance qu'ils accordaient à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque des disciples des compagnons, il y avait Urwa ibn Zubayr, ainsi que Ibn Shihab al-Zuhri, de même que Moussa ibn Uqba, qui étaient connus pour l'importance qu'ils accordaient à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur époque, bien qu'il soit mort, après ce que je viens de citer, il y a également eu Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, il était l'élève de Abban, que l'on a cité précédemment, et qui est le premier à avoir écrit, bien que ce n'était que quelques feuillets, en matière de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est également l'élève de Nafi', sachant que Nafi', comme vous le savez certainement, était l'esclave affranchi d'Ibn Omar. Et vous avez entendu précédemment qu'Ibn Omar était parmi ceux qui accordaient le plus d'importance à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Ishaq était également l'élève de Ibn Shihab al-Zuhri, qui comptait parmi les têtes des disciples des compagnons, et qui également était spécialiste en la matière. Il a donc hérité de cette spécialité-là, si on peut exprimer cela ainsi. Et il a réuni cela dans son livre intitulé « Al-Mubtada wal-Mab'ath fil-Maghazi » qui par la suite a été connu comme étant le livre « Al-Sira al-Nabawiyya » d'Ibn Ishaq, qui a été rendu célèbre par le résumé qu'en a fait Ibn Hisham. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Ce sont donc là, en résumé, les références de cette science-là. Neuvième point, neuvième notion rudimentaire à connaître, la valeur religieuse de l'apprentissage de cette science. Il faut savoir que cette science-là, une partie d'entre elles, son apprentissage, est une obligation individuelle qui incombe à tout musulman et musulmane. Et cette partie-là, elle a été résumée, entre autres, par le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans son célèbre livret intitulé « Thalathat al-Usul », les trois fondements. Troisième fondement, l'auteur y dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, le troisième fondement, c'est la connaissance de votre prophète Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges, et le salut, il est Mohammed, le fils d'Abdallah, le fils d'Abdullah, le fils d'Abdel Muttalib, qui lui-même est le fils de Hashim, et Hashim est issu de Quraysh, et Quraysh est issu des Arabes, qui eux-mêmes sont issus de Ismaïl, le fils d'Ibrahim, qui est l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à donc la fin de ce passage-là. Il faut savoir que ce passage-là, il correspond à ce qu'il nous est obligatoire de connaître concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au reste de sa biographie, son apprentissage est une obligation communautaire. Et l'obligation communautaire, comme vous le savez, c'est celle qui, lorsqu'une partie suffisante de la communauté s'en charge, elle n'incombe plus au restant des membres de la communauté. Dixième point, les différents sujets abordés par cette science-là, nous allons nous rendre compte que cette science, elle aborde la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, son enfance, l'avènement de sa prophétie, la période mécoise, depuis l'avènement de sa prophétie jusqu'à son émigration à Médine, cette période donc qui a duré 13 ans, puis la période médinoise, après l'émigration jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, période qui a duré 10 ans, parmi les différents sujets, et je ne les cite pas tous, les différentes batailles, mais également ce qui est lié aux parents du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ses nourrices, à ses épouses, à ses enfants, à ses esclaves affranchis, et ainsi de suite, jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wasallam. Les livres qui ont été écrits dans ce sujet, ils sont très nombreux. J'en ai cité certains. Il y en a d'autres qui ont été écrits par la suite par les savants, les ulama de la sunna. Également à notre époque, il y a certains essais qui ont été écrits. Et parmi ces livres qui ont été écrits concernant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a des livres qui sont longs et développés, d'autres qui sont de taille moyenne, et d'autres qui sont résumés. Et parmi les livres qui sont résumés, il y a le livre que nous allons commencer à lire ce soir, à savoir « Tahdhib al-Sira al-Nabawiyya », l'essentiel de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Abu Zakariya al-Nawawi, livre qui a été traduit donc aux éditions At-Tawbah. Il faut savoir que al-Nawawi en réalité n'a pas écrit de livre qui s'appellerait Tahdhib al-Sira al-Nabawiyya ou Tahdhib Sirat al-Nabi alayhi salat wa salam, et qui aurait donc été traduit par l'essentiel de la vie du prophète. Car en réalité, le livre dont nous avons la traduction entre les mains ce soir et que nous allons commencer à lire, c'est une partie d'un livre écrit par Nawawi qui s'appelle Tahdhib al-Asma wal-Lughat. C'est un livre qui a été édité en 3 volumes. L'auteur l'a séparé en 2 parties. Une première partie concernant des biographies de personnalités célèbres, la communauté musulmane, et la seconde partie qui constitue une explication de certains termes complexes qui peuvent être trouvés, rencontrés dans certains livres qui ont été écrits par des savants du rite de l'imam Shafi'i. L'auteur Nawawi, il a débuté cette série de biographies par la biographie succincte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin de mettre en avant le rang qu'il occupe alayhi salat wa salam. Nous pouvons trouver dans la traduction que nous avons entre les mains une brève biographie de l'imam Nawawi que je vous lis afin que nous connaissions l'auteur de ce livre-là. Son nom, sa naissance et quelques points de son enfance. Il est Yahya ibn Sharaf ibn Murni ibn Hassan ibn Hussein ibn Muhammad ibn Jam'a ibn Hazm Abu Zakariya al-Nawawi al-Dimashqi. Son nom vient de Nawa, qui fait partie de la région de Hawran dans le Sham. Il est né en 631 de l'Hégire à Nawa, et c'est son père qui s'est occupé de lui et l'a éduqué et élevé de la meilleure manière. Il acheva de mémoriser le Coran un peu avant la puberté. Puis son père l'envoya à Damas, Dimashq, où il étudia auprès des savants. Il était alors âgé de 19 ans. C'était un homme très pieux qui revenait beaucoup vers Allah, Azza wa Jal, et le craignait jusqu'au bout des doigts. Le grand savant du hadith, Abu al-Abbas ibn Faraj, a dit « Cheikh Muhiddin ». C'est là un surnom qui avait été donné à An-Nawawi. « Avait 3 caractéristiques. Si un homme ne possédait qu'une seule d'entre elles, les gens du monde entier selleraient leur monture pour venir le voir. Première caractéristique, la science et la mise en application de ce qu'elle implique. » Deuxième caractéristique, l'ascétisme dans cette vie, sous toutes ses formes. Troisième caractéristique, le commandement du bien et l'interdiction du mal. Parmi ses enseignants, Jamal al-Din ibn Surayfi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Isa al-Muradi, Taqi al-Din ibn Abil Yusr et Zayn al-Din ibn Abd al-Da'im. Parmi ses étudiants, Shihab al-Din al-Arbadi, Ala al-Din al-Attar et Ibn Abil Fath. Et parmi ses écrits, Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Son explication de Sahih Muslim, Al-Arba'in al-Nawawiyya, Al-Irshad fi Mustalah al-Hadith, Al-Majmou', Sharh al-Muhadhab, Rawdat al-Talibin, Al-Athkar, et de nombreux autres écrits encore dans diverses sciences. Son décès, l'imam al-Nawawi est décédé lors de son retour de Damas vers sa ville de Nawa où il tomba malade. Il mourut dans la nuit du mercredi 24 du mois de Rajab en l'an 676 de l'Hégire à l'âge de 45 ans, qu'Allah le fasse miséricorde et le fasse entrer dans son paradis immense. Et aujourd'hui donc nous allons entamer la lecture de ce livre-là qui correspond donc, comme je vous l'ai dit, à une partie de son livre Tahdhib al-Asma wal-Lughat, et qui, en tout cas dans la version traduite que nous avons entre les mains, est basée sur l'édition qui a été faite par un certain Khalid al-Shaï', que je ne connais pas spécialement. Ce qui nous importe donc, c'est le livre de al-Nawawi. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم La lignée du prophète صلى الله عليه وسلم Et non, donc c'est Al-Nawawi qui parle ou qui écrit. Al-Nawawi donc a dit بسم الله الرحمن الرحيم La lignée du prophète صلى الله عليه وسلم. Il s'agit de Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Jusqu'à ce point de la lignée, les savants sont unanimes. Au-delà, et jusqu'à Adam, alayhi salam, il y a de grandes divergences. Les savants disent, il n'y a à ce sujet rien d'authentique sur lequel on pourrait s'appuyer. Na'am. Donc ici, l'auteur il a commencé par la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que la lignée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des lignées. Abu Sufyan, qu'Allah l'agré, avant qu'il n'embrasse l'islam, il avait témoigné de cela. Et ce, alors qu'il était un ennemi de l'islam et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on dit, les mérites sont ceux qui sont reconnus par les ennemis. En effet, on retrouve dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Abu Sufyan s'est entretenu avec Hercule, le roi des Romains. Et Hercule, il lui a posé un certain nombre de questions concernant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit, « Quel rang occupe-t-il en votre sein ?» Abu Sufyan a répondu, « Il est parmi nous, doté d'une bonne lignée. » Abu Sufyan, il a attesté de cela, il a témoigné de cela malgré l'aversion qu'il éprouvait vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il répugnait d'avoir la réputation d'être menteur. Donc il a été contraint, qu'Allah l'agré, il a été contraint de témoigner de cela. Et il faut savoir qu'il y a forcément une sagesse éminente venant d'Allah tabaraka wa ta'ala qui réside dans le fait qu'il ait choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des lignées. Car c'est un moyen de couper court à toute tentative qui aurait pu être entamée par les polythéistes, les ennemis de l'islam, afin d'émettre des doutes sur les intentions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas été doté d'une bonne lignée. Ils auraient pu dire, en vérité, il prétend être prophète car il cherche à avoir du poids dans la société, du fait qu'à la base, il n'est pas issu d'une bonne lignée. Mais tel n'était pas le cas. Allah tabaraka wa ta'ala avait choisi pour son messager sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des lignées. Et il faut savoir donc qu'il est Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de Abdullah, qui lui-même est le fils d'Abdel Muttalib, qui lui-même est le fils de Hashim, qui est le fils de Abdel Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, qui lui-même est le fils de Malik, le fils de Nadr, qui lui-même est le fils de Kinana, Kinana étant le fils de Khuzayma, Khuzayma étant le fils de Mudrika, Mudrika étant le fils de Ilyas, Ilyas étant le fils de Mudar, qui lui-même est le fils de Nizar, qui est le fils de Ma'ad, et qui lui-même est le fils de Adnan. Jusqu'à ce point de la lignée, les savants sont unanimes. Ils sont unanimes sur l'authenticité de la lignée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Et cela a également été, je vise par là donc l'authenticité de cette lignée-là, on retrouve cela dans une parole recueillie par At-Tabarani, sachant que l'érudit Ibn Hajar a statué du caractère fiable de ce récit-là dans son livre Fath al-Bari. Aïcha donc qui a dit: les lignées des gens sont établies jusqu'à Ma'ad ibn Adnan. Donc la lignée du prophète alayhi salatu wa salam, elle est établie et elle ne souffre d'aucune divergence jusqu'à Adnan. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, dans son recueil authentique, lorsque dans le livre intitulé Manaqib al-Ansar, c'est-à-dire les vertus des Ansar, les vertus des auxiliaires, il a fait mention de la lignée du prophète alayhi salatu wa salam, il l'a mentionné jusqu'à Ma'ad, fils de Adnan. Et il faut savoir que la plupart de ces qualificatifs que nous avons sous les yeux constituant la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en réalité des attributs et non pas forcément des noms. À titre d'exemple, Abdel Muttalib se nommait Shaybat al-Hamd, Et il est également d'autres parmi les ancêtres, parmi les ascendants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont connus par leurs attributs sans que pour autant cela ne corresponde à leur nom. Précédemment, nous avons dit que, et c'est cela qui est mémorisé par la majorité d'entre vous, le shir de l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit au début du troisième fondement qu'il a cité dans son livre Thalathat al-Usul, la connaissance de votre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est Mohammed, le fils d'Abdullah, qui lui-même est le fils d'Abdel Muttalib, qui lui-même est le fils de Hashim, et Hashim est issu de Quraysh. Et Quraysh est issu des Arabes. Et les Arabes sont issus de la descendance d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, jusqu'à donc la fin des propos du shir de l'islam. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il faut savoir que Quraysh, il correspond ici au fils de Fihr, Ibn Malik, ou il correspond à Nadr Ibn Kinana. Sachant que la tribu de Quraysh a été appelée ainsi du fait qu'ils ont été réunis après avoir été dispersés. Et ils se sont réunis à la Mecque après avoir été dispersés, et cela s'est fait par le biais d'un des deux ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je viens de mentionner, soit le fils de Fihr, soit Nadr ibn Kinana. Et il y a d'autres explications qui ont été données concernant la cause de cette appellation-là. Donc, la lignée du prophète, alayhi salatu wassalam, est établie et ne souffre d'aucune divergence jusqu'à Adnan. Adnan étant issu de la descendance d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, alayhim assalam. Et c'est celui que Ibrahim s'était apprêté à sacrifier jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui substitue ou substitue. Il est tard, et, comme vous l'avez vu, j'ai du mal à articuler. Al-Muhim, cet animal, de cette bête de sacrifice, comme l'histoire donc est racontée dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. On va s'en tenir à cela pour ce soir, la lignée du prophète, alayhi salatu wassalam, et demain nous continuerons donc avec ses noms et surnoms, Inch'Allah. Et je vous invite donc à acquérir le livre. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.